ciel de la même façon. Je verse tellement plus de larmes si j'en avais. Je crois qu'elle se changerait en glaçon. Plus rien ne m'importe, ni les gros gamos, ni les tenues. Maintenant que je sais qu'on part aussi vite qu'on est venu. L'hiver approche, tu connais, c'est ma saison. De là-haut, tu dois penser qu'on gâche nos vies. Et t'as raison, je repense à tout. J'ai le moral au plus bas. Des fois tard la nuit, je me demande simplement comment tu vas. J'espère que de là où t'es, tu te rappelles de nous. Pour le coup, moi je souris, mais j'en ai plus rien à foutre de tout. Je pense à toi et esprit, je fais le tri. Du mal à parler au mien, alors la nuit j'écris. Je m'en mets en question, je sais pas si c'est large. Et que je suis là, vouloir t'oublier, dis-moi si c'est large. La terre tourne, mais autour de quoi? Des fois je me dis, j'ai fait tellement de sale autour de moi. Le bien, le mal, plus rien à foutre, je baisse les deux. Dans la rue, quand je vois ta mère, je t'avoue, je baisse les yeux. J'espère que si je pars un jour, alors on se reverra. Que le paradis c'est frais, blablabla, etc. Des fois j'ai peur parce qu'imagine y'a rien. Que t'es mort et puis c'est tout. Et que là je parle tout seul, comme si j'étais fou. Pour me ranger, j'ai tellement attendu. Je pense pas qu'il me laisse entrer, mais on sait jamais sur un malentendu. Sur cette terre, l'impression d'être un stagiaire. Et je paierais tellement cher, revenir en arrière. Écrire pour rien, j'en ai ras-le-bol. En espérant qu'il te parviendra un jour. Je vais mettre ce son dans un album. Quand je vois la fin de ta vie, je repense à l'intro. Tu sais que j'aime pas aller au revoir, alors je te dis juste à bientôt. Si j'avais des larmes, chialerais des bassins. Parce que je voudrais que rien ne s'arrête. J'écris pas le mot de la fin. Je te dis juste à demain. Ouais. Je te dis juste à demain.